Alors, nous remercions nos amis qui nous relaient, eddnp.net, Tactical FM depuis aujourd'hui nous relaie en direct aussi. On remercie le caporal John pour cette heureuse initiative. Et vous, vous pouvez donc participer à OpenScape. Je pense que vous avez des petites annonces, envie de chanter, vendre quelque chose. Donc n'hésitez pas, cette émission, c'est vous qui la faites. Il n'y a pas de censure. L'animateur n'intervient pas. D'ailleurs, il va prendre son café et il vous laisse aux commandes de OpenScape. Bonjour. La blague du jour, j'adore la blague du jour, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, la blague du jour aujourd'hui, une blague sympathique, hein, moi, elle est mignonne cette blague. Ça se passe dans un asile de fous. Un nouveau pensionnaire arrive. Alors que deux infirmières essayent de le ceinturer, il hurle « Mais lâchez-moi, je suis l'envoyé de Dieu !» Un autre fou passe à un côté et lance « Ne le lâchez surtout pas, je n'ai envoyé personne !»

Bonsoir et bienvenue à Vive la vie. Ce soir, nous accueillons le professeur Muhlenberg, spécialiste du cancer, pour la parution de son ouvrage « Et maintenant, à qui le tour ?» Disponible également en disque cassette compacte pour le Pinstep 3615 Muhlenberg. Et tout de suite, en direct, posez vos questions. Ah ! Bonsoir, professeur. Voilà. J'appelle parce que voilà. On m'a dit que j'avais une angine. Mais qu'on allait m'opérer. Et mon médecin m'a racheté ma maison à Enviager. Ah, je me demande si on me cache pas quelque chose. Bonsoir, Toubib. J'appelle parce que voilà, j'ai lu un article dans VSD ou dans Paris Match. Je sais plus, en tout cas une revue scientifique. Que quand on est du signe du cancer, on a plus de chances d'avoir le cancer. Alors j'aimerais savoir comment faire pour changer de signe. Bonsoir, professeur. Je suis syndicaliste. J'ai pas le droit de dire le nom du syndicat, je dirai que les initiales CGT. Bon, il est vrai que le cancer tue beaucoup de gens. Encore que personnellement, j'ai jamais vu de cancer. Mais il est vrai aussi que le cancer fait vivre encore plus de gens. Alors c'est pas une raison parce que vous avez des trucs contre le cancer qu'il faut les publier. Parce que le jour où il n'y aura plus de cancer, il y aura près de 150 000 emplois qui vont disparaître. Sauvez le cancer. C'est cancer efficace. Bonsoir professeur, excusez-moi de vous déranger, voilà, j'appelle, c'est au sujet d'une escroquerie. Bon, voilà, j'ai acheté il y a pas longtemps un vaccin anti-cancer. Bon, c'est pas douloureux, ça se prend en spray. Mais je l'ai quand même payé 40 000 francs. Alors je voudrais savoir si je me suis pas fait escroquer. Bonsoir. Bonsoir professeur, j'appelle pour savoir si vous n'avez pas des trucs pour toucher la retraite tout de suite. Parce que je suis chercheur au CNRS. Toute ma vie, j'ai cherché pour le cancer. Cette fois-ci, c'est bon. J'ai trouvé. Putain, j'ai le cancer. Bonsoir, professeur. Ici, c'est votre radiologue. Bon, j'ai lu page 43 de votre ouvrage que si vous-même, vous aviez le cancer, vous réagiriez avec beaucoup de courage, de dignité, de persévérance. Ça me facilite un peu la tâche. Parce que j'ai le résultat de vos examens, d'une certaine façon, vous êtes reçu. Vous êtes en direct sur Radioactif, c'est à vous, vous êtes seul. Ouais, salut à tous, c'est Gloupil. Je viens de temps en temps vous parler, puis j'en profite pour squatter, hein, parce qu'on peut venir parler comme on veut ici. Alors, je vous parle beaucoup de League of Legends. Donc, League of Legends, c'est un Dota-like, j'en parle souvent, hein. Aujourd'hui, bah, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va faire un match. On va faire un match, c'est-à-dire que la team Tactical FM, j'ai fait une team, hein, donc c'est les troupes du caporal. On est un regroupement de joueurs français et on est là pour défendre les couleurs de Tactical FM. Donc là, on va s'inscrire, on va se lancer. Pendant qu'on est en train de rechercher une équipe pour affronter. Là, on est 5. Hein. Donc, on est 5. On va chacun choisir notre classe en fonction de nos envies ou des besoins. Donc là, la partie se lance. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors. Oups. conserve. Déjà, on a Sion. Sion qui a été sélectionné. Sion, c'est un tank. Cho'Gath. Vladimir et Ryzy. Alors, qui c'est que je vais prendre? Moi, je vais jouer Garen. Hop. En critique. Voilà, c'est bon. Ça y est, on se lance. Donc on a ML80C qui joue donc Sion, on a Milaberwan qui joue Cho'Gath, on a La Soussourla, c'est Vladimir, et on a Ravaz3U qui joue Ryzy. Donc voilà un peu notre équipe, hein, notre équipe de PGM, on va tout arracher, de toute façon la team Tactical FM elle perd jamais. Donc là ça se lance, ça y est c'est parti. On va arriver dans la confrontation, donc on va voir l'équipe qu'on a en face et qu'est-ce qu'ils ont pris. Donc on normalement devrait pas être inquiet parce qu'on a quand même une bonne compo, on a des bons joueurs et les personnages qui ont été pris sont intéressants. Alors qui c'est qu'on a en face? Alors je connais pas le nom de la team qu'on a en face, mais bon on va dire que de toute façon c'est une team qui va perdre donc c'est pas important. Alors on a qu'est-ce qu'ils ont pris? Il y en a un qui a pris Anivia, Poppy, Miss Fortune, Haché, Amumu. Alors Amumu, qu'est-ce qu'il a pris comme sort? Il a pris un sprint. Ouais, ça devrait le faire. Bon. Donc là on se retrouve dans la confrontation. Donc c'est en attendant le chargement de la map, on voit les joueurs qui sont en face. Donc on va un peu voir maintenant où est-ce qu'ils vont se placer. Alors, moi je vais prendre un bouclier de Doran, potion de soin, tac, mon premier sort, un coup décisif, et je me ramène à droite. Voilà, donc hop, là c'est parti, il y a Vladimir qui a choisi de prendre le milieu, donc on va tous se mettre ici, ok. Donc là, la map elle est lancée, hein. On est en train de se placer, et on va attendre la stratégie qu'il faut employer. Donc on se met sagement près des tours, on attend que les mobs y pop. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de mobs mais ils vont arriver. Alors, hop, on a Ryzy qui arrive. Ryzy qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un cristal de saphir, une potion de mana, une potion de soin. Ça devrait le faire. Ah, il y a un premier teamfight, on arrive sur peut-être le premier sang, Milaberwan contre Pididi. Allez, c'est bon, il a fui. Mais là, on a failli faire le premier sang. Donc là, c'est Milaberwan encore qui est en train de tout arracher. Il vient de se faire bloquer contre un mur. La situation s'inverse. Pididi Rosten. C'est bon, on arrive à fuir. Et bah, c'est chaud, hein. Ça promet d'être violent. Je crois qu'on nous aime pas, hein. Tactical FM. Enfin, on a bien géré. Donc là on vient d'assister à un accrochage qui est vraiment méchant, violent en début de partie, c'est assez rare. C'est assez rare qu'on attaque comme ça. Mais je sais pas, l'adversaire a l'air d'être agressif, donc à nous de faire encore plus attention et puis on va les faire tomber dans un piège alors. Là on arrive. Hop, c'est bon. Donc les mobs viennent d'arriver. Je regarde ce qui se passe. Là où Vladimir il est au contact avec Haché. Il se fait ralentir avec sa piège de givre. Mais c'est bon, il a l'air de fuir. Quoique... Oula, il gère bien. Embrasement sur Haché. Haché, elle est presque morte. Ça va le faire. Pendant ce temps, moi, je suis contre Pididi. Il a bien choisi son pseudo, celui-là. Mais je crois que je vais le faire crever pour ça. Alors, Pididi, en fait, c'est Anivia. Hein. J'essaie de donner un peu les pseudos des joueurs. Ok, il vient de Muston, il arrive, ouais c'est bon, tu sers à rien. Pendant ce temps, je continue à farmer. Bon, Vladimir, il domine le milieu, donc ça se passe bien. On devrait s'en sortir. Il y a plein de bonnes choses. Attention, ma vie vient de descendre quand même. Est-ce qu'elle me focus? Même pas. C'est bon, on va l'énerver un peu. Ouais, stun, d'accord. Oula, Ryzy, ce qu'il a fait, c'était vraiment dangereux. Hein. Mon coéquipier, là, il vient de faire quelque chose, je viens de le couvrir. C'est vraiment risqué. Mais bon, il faut tout tenter dans le jeu-là, sinon on tue personne. Ça va, il gère. Il a réussi à se régénérer. Là, il a employé sa première potion de soin. Il vient d'être stun. Hop, j'arrive en brasement, coup décisif, c'est bon. J'ai déjà vidé l'ennemi à la moitié de sa vie, on peut dire. C'est bon, je l'ai calmé et pendant ce temps, je peux protéger mon coéquipier. Pendant ce temps, là-bas, ça faille toujours autant. En haut, attention, je suis Ruston. Ça va devenir difficile. Donc là, il faut que je fasse un repli tactique. Hop, je me mets là, je suis en sécurité. Pendant ce temps, je regarde. Bon, en haut, on commence à avoir du mal quand même. Milaber, il commence à en chier, là, donc c'est lui qui joue Shogat. Alors qu'on verra par la suite du match que c'est l'un de nos meilleurs joueurs, hein. Mais pour l'instant, il a du mal, sa vie descend beaucoup. Il doit se mettre un peu en retrait. Et le problème qu'on a, on peut l'expliquer assez facilement, c'est qu'en haut, en fait, on a que des... Oula, il faut que j'intervienne. Trop tard, premier sang. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Là, je me suis arrêté dans ce que je vous commentais. On vient de perdre un joueur. Mais bon, il a lancé le teamfight tout seul, c'est un peu de sa faute. Donc la team ennemie fait déjà le premier sang. Donc pour l'instant, 1-0 hein, pour Tactical FM. Mais c'est que le début. Donc je disais en haut, ça va, la tendance a l'air de s'inverser de nouveau. Donc je sais pas trop ce qu'ils nous font. Hein. Mais ça le fait. Donc la Miss Fortune commence à être dépassée. Hein. Notre ami Mila Berwan commence à changer un peu le combat. Bon, moi, encourage, c'est bon, encourage, je monte à 5, je suis au maximum, donc c'est bien, c'est que j'ai tué pas mal de mobs. Donc courage, en fait, qu'est-ce que c'est? Moi, je joue Garen. Courage, c'est un sort qui réduit de 30% les dégâts qu'on nous inflige. Et en fait, il est intéressant, c'est-à-dire qu'il a une capacité passive. Où plus on tue de mobs, plus notre résistance magique et notre armure peut augmenter. Donc pendant ce temps, ça pousse toujours en haut. Vladimir Dominaché, ça va, pour l'instant c'est bon signe. C'est vrai qu'on a perdu de mon côté, mais il faut pas que Raizy s'énerve. Bon, ça va, là, je viens de monter à 775 gold. Pour l'instant, je gère. Mais bon, il va falloir que j'assure parce que mon coéquipier il est pas trop content d'être mort là tout à l'heure. Hein. Et ça le fait pas. Mais bon, je peux pas vous commenter un match et jouer parfaitement en même temps. Ah. Là il y a eu de l'action en haut. Donc là Tactical FM vient de repasser à 1-1, 2-1 et là ils viennent d'égaliser encore. On peut encore marquer un point, on peut arriver à 3-2. Donc, pour l'instant il y a match nul. Quand j'essaye de vous commenter ça à la façon d'un match sportif, quand je dis 2-2, 2-1, en fait 2-1 c'est le nombre de morts, hein, c'est le nombre de morts que je compte, et bien évidemment souvent le nombre de morts reflète si le match va être gagné ou pas. Bon, le but d'un match de League of Legends c'est de casser la base ennemie et de détruire tous les inhibiteurs et les tours, enfin il faut essayer de tout casser. Mais bon, là on se bat vraiment plus pour l'honneur. Pour gagner une partie en cassant des tours, ça nous intéresse pas vraiment. Ça va, oulala, il vient de passer level 7, il claque son ulti. Donc là en face, on a Didi, là, il a pris pas mal de level, il devient inquiétant. Il vient de me stun, il faut que j'arrive à me sauver de là. C'est bon, je m'en suis sorti. Donc là, je viens de retourner à la base. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme item? On va prendre les bottes plus 3. Donc là, je vais m'équiper des bottes plus 3 et je vais voir ce que ça va donner. Donc, toujours contre un joueur quand même. Donc, il y en a un qui doit jungle. On va regarder ça. Pendant ce temps, je suis en train de regarder ce qui se passe au milieu. Donc Vladimir tient toujours aussi bien haché. Pour l'instant ça a l'air d'être facile. Et en plus elle vient de louper son ultime. Elle a lancé sa flèche qui stun et elle l'a loupé bêtement. Donc à mon avis le niveau d'haché doit pas être très important. Alors en plus quand je regarde les items qu'elle a pris c'est ridicule. Vladimir tente le tout là, il vient de claquer son ultime contre elle mais elle fuit. Bon. Allez, Ruston-moi, c'est parti. On a vraiment du mal avec Anivia en face. Faut dire que Raizy, il lui a donné beaucoup de points en crevant contre. Et... Ah, au milieu, on vient de se faire attaquer. là le match prend une mauvaise tournure. Mais c'est la team Tactical FM, nous on rigole pas. On va les calmer. À la limite, c'est pas plus mal s'ils s'enflamment au début. S'ils croient qu'ils vont s'en sortir, c'est intéressant. Moi, ça m'arrange. Bon, allez, on va lui faire une petite surprise à celui-là. Ah, il est malin, il est malin. Il fuit. Bon, je viens de tenter un teamfight contre Anivia, mais ça marche pas. Pour l'instant, le match, ils ont l'air de le tuer. Ils font pas grand chose. Ils font que des contres et ils essayent de nous enfoncer. Anivia est toujours contre moi là en teamfight. Bon, je vais me replier, ça sert à rien. Au milieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a Raizy et Vladimir qui tentent quelque chose contre Haché. Haché, elle vient de claquer son ultime. Est-ce qu'elle va en prendre un? Même pas, elle a même pas réussi en stun 1. Bon, ok, c'est un pur noob qu'on a en face. C'est un mec qui doit jouer avec ses pieds, je pense, ou on doit lui faire peur. Ça va, ça gère. Milaber en haut, il est en train de leur mettre la misère. Raizy attaque et hop là, allez, c'est bon, on en a encore une aide 1. Donc Tactical FM remonte à 4-5. Donc pour l'instant, on arrache. Là, les troupes du caporal, elles sont pas prêtes d'abandonner. Attention, je suis contre PDD. Ultime, PDD se replie, ça va devenir très difficile, attention. J'ai failli tuer PDD, mais il a eu de la chance. Il vous reste environ 6 minutes. Ok, parfait, parfait. Donc là, le match, on en est à 10 minutes. Le match risque de continuer bien après. Je vous raconterai la prochaine fois ce qui s'est passé. Donc là, on est en train de remonter. On se bat assez bien. Mais je dois prendre des risques. Et on a un vrai problème avec Anivia en bas. J'arrive pas à la frag facilement parce que ça a l'air d'être un bon joueur encore et elle gère bien ses sorts. En plus, toute seule sur une ligne, donc toute seule à prendre l'XP. On est en train de se motiver là. Pendant ce temps, il y a toujours une attaque. Allez, c'est bon, Milaver vient d'en retuer un. C'est impeccable. On s'en est refait un. Tactical FM, on égalise, on arrive à 6-6. Donc là, il y a Raizy qui arrive avec moi. Bon, Raizy, qu'est-ce qu'il a choisi? Ben ouais, il a pris des bottes pénétration. J'aurais pas fait ça. Et ça y est, il sortait les portes. Allez. Anivia vient de revenir, c'était trop beau. On était trop bien là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah là il fait Froussard, il reste près de sa tourelle. Pas de problème, je vais m'occuper de toi. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Hop, ah non, c'est étonnant. C'est très étonnant, il doit être perturbé. Il passe pas à l'offensive. Alors, on va se replier, tac. Donc là pour l'instant la team Tactical FM elle est en train de dominer la game hein. On a mal commencé, on est mort au début mais là c'est en train de changer. Donc les troupes du caporal sont à deux doigts de gagner là. Attention là je suis en teamfight contre Anivia. Est-ce qu'il va intervenir ou pas Raizy? J'attends que lui. Non, il a même pas intervenu, c'est dommage, on a failli en retuer un. Pendant ce temps en haut, qu'est-ce qui se passe? Là, Milaber, ils deviennent en difficulté parce qu'ils sont à 3 là, ils sont à 3 contre 2. Bon, il va falloir faire quelque chose. Alors, je vais aller renforcer en haut tout de suite, immédiatement. Voilà, donc j'interviens. Je suis en train de me déplacer avec mon personnage. Donc là, on a notre Sion qui est en train de se débrouiller tranquillement. Il a pris des bottes plus 3, bouclier de Doran. Ouais, il a pris le même stuff que moi. Donc c'est vraiment des joueurs qui veulent kill. Nous on essaye vraiment dans la team Tactical FM, c'est vraiment de jouer pour le frag. La stratégie, et compagnie, ça nous intéresse pas. Nous on préfère être direct, on est assez bourrin, on est assez barbare. Tac, on arrive. Alors on approche. Impeccable, Vladimir vient de refaire un kill. Donc là je viens d'arriver en haut, je suis un peu tout seul là, ils ont tous fui. Et pendant ce temps on est en train de leur mettre la misère de notre côté. Mais c'est impeccable. Je suis en train d'intervenir encore une fois. Coup décisif, j'arrive sur la tourelle du haut. Attention, est-ce que je vais réussir à casser la tourelle? Là je suis sur le point de casser une tourelle. La première tourelle qui va être explosée chez eux. Allez, il faut encore une seconde. Et ça y est, c'est réussi. Donc on vient de détruire la première tourelle. Donc là, je vais m'arrêter là avec vous. Parce qu'on n'a pas un temps indéfini et un match, ça dure assez longtemps. Mais donc là, on vient de finir sur une belle chose. Donc je viens de casser leur première tourelle. Et en plus, là, sous mes yeux, je vois encore l'équipe qui est en train de progresser de plus en plus. Donc on est en train de les enfoncer. On est vraiment en train de dominer. Donc ça a l'air d'être une belle victoire encore pour la team Tactical FM. Donc ceux qui connaissaient pas League of Legends, eh ben, dans d'autres émissions vous pouvez écouter, j'avais expliqué un peu le jeu que c'est. Donc c'est assez sympa, c'est gratuit, moi je le recommande à tous ceux qui veulent se faire plaisir et voilà. C'est, il faut pas avoir peur si on n'a pas trop de skills, si on n'a pas l'habitude, ça vient tout seul les jeux comme ça. Le niveau il est quand même assez haut mais c'est vraiment intéressant. Voilà voilà, donc je vais vous laisser. Et je vous dis à une prochaine. Ciao! À l'écoute de Open Skype sur Radioactif. Pour nous contacter, allez sur Skype et tapez radio.actif. Sinon, vous pouvez nous joindre par la communication group sur http 2.radioactif.com. radio-actif avec un k.z2.cx ou par téléphone au 0826 120 en composant le compte du service 79 211 ou 0902 288 128 code de service 79 211 pour la Belgique. Le premier numéro c'était pour la France. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour passer ce que vous voulez. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, c'est avec-un-cas.fr. Je vais plus voir les films d'horreur au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Non, toujours rien? Bon, alors j'ai été obligé d'expliquer pour monsieur, alors. Bon, j'ai pu voir les films d'horreur, bordel. Combien qu'on nous propose des cons. Bah, je vois un film d'horreur classique. C'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est toujours une bande de jeunes. C'est qu'ils louent une maison isolée du restant du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi. Toi, déjà un coin où on n'irait pas, nous, déjà, toi. Hein. Bon, eux, ils la louent. Ils la louent. En plus, j'ai oublié de vous dire, évidemment, à la maison, il y a eu un carnage dans cette maison. Il y a 40 ans, dont manifestement tout le monde se branle. Hein, ils ont 20 ans, il y a 6 gonzesses à épater, bon, ils la louent. Hein. Bon, en plus, même le prix de la location, hein, je m'excuse. Hein, la baraque, c'est toujours un petit château, tu sais, genre 35 pièces. Hein, le prix, 250 francs le week-end. Je m'excuse, ça sent un petit peu la merde, hein, quand même. Hein. Bah, ça fait même pas 10 balles la piole, je veux dire. Enfin, je reviens pas là-dessus. Il la loue. Bon, je vous passe aussi les détails sur le gars au début du film qui les amène en chaloupe. Ça fait toujours rigoler, chaloupe. Non, c'est, j'ai dit que la maison était isolée hein, à cause de la marée. Hein. J'ai dit, essayez de noter hein, aussi les trucs. Bon, et alors donc, le gars au début du film qui les amène en chaloupe, qui normalement devait rester avec eux, hein, et puis qui bizarrement repart au dernier moment. Au moment où la nuit tombe, brutalement d'ailleurs, à 14h30. Et là, vous avez la nuit d'horreur, là, tu vois. Parce que vous avez remarqué, mesdames et messieurs, dans les films d'horreur, ils font tomber la nuit quand ils veulent, hein. Ah oui, ils sont pas gênés avec ça, hein. Surtout dans les Dracula. Ah ben, les Dracula, faut pas y aller pour bronzer, là-bas, parce que... Les Dracula, c'est simple, le soleil, il se lève à 11h, à midi et demi, il fait nuit, hein. C'est terminé, hein. Ah oui, sinon, comment tu veux qu'il les surprenne, hein, le gars. Enfin, bref, personne tombe de son siège d'étonnement dans le cinéma. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, hein. Que des morts violentes. C'est des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement, il devrait s'installer une espèce de méfiance dans le groupe qui reste, quand même. Penses-tu? Donc, à ce moment-là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste 4 blaireaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Et à ce moment-là, le plus trapu des 4, il dit aux 3 autres, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Je suis désolé, non. Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Hein. Faut 2 groupes de 2 un autre jour. Hein. C'est vrai qu'il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Hein. Ça, moi, je vois au Monoprix de Neuilly, le jour vers chez moi, on était 4, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Hein. Mais là, non. Là, on a 8 potes morts, je sais pas si vous en pensez. Normalement, on n'est plus que 4, on se met dos à dos sur la table du salon, avec toutes les lampes électriques, et on attend. Hein. Et puis là, le caméraman, faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Hein. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Hein. Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Hein. Bah, dis donc, je lui demande pas de faire un gros plan, mais enfin, il pourrait l'avoir en entier au moins une fois, quand même. Hein. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type, hein. C'est ça qui fout les jetons aussi, un petit peu. Alors c'est pour ça, moi, à ce moment-là du film, eh ben moi, je suis désolé, mais moi, je me lève et je me barre. Hein? Et j'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Alors, je sais pas ce qui s'est passé à la fin du film. Hein? Je vous dis que je me suis barré. J'imagine que les deux de la cave, ils se sont fait trucider, puis... Les deux du grenier, ben, y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage, et ils ont fait 2 groupes de 1, et puis ils sont morts tous les deux. C'est ce que je te dis. Il n'y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage. Parce qu'il faut bien faire le numéro 2. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je vais plus voir les films d'horreur au cinéma. Mais... Ouais, j'en ai. Allô? Ouais? Allô? Allô, allô? Moi, je t'entends pas, mais donc tu m'entends? Allô? Allô? Allô, allô? Vous êtes en direct sur l'antenne? C'est à vous maintenant. Bien, chers auditeurs, si vous m'entendez, l'heure est grave ce soir. On a des bonnes nouvelles au niveau syndical. On va en parler un peu plus ouvertement maintenant que donc on a des éléments de victoire. Bien, comme vous savez, donc on est actif en tant que syndicat dans les centres d'appel. Notre mouvement semble de plus en plus être porteur, être reconnu par des associations diverses, des syndicats, on commence à nous écouter. Je vais vous donner donc les éléments. Donc comme vous savez, donc on est donc un centre d'appel, on est actif donc au sein de ce centre d'appel, hein, c'est donc le centre d'appel de Free Iliad avec le nom Centre Appel. Donc, ce soir, je peux vous donner donc le nom. Donc on représente grosso modo 450 salariés. On est aussi présent par le biais de la délocalisation au Maroc, donc à Casablanca, la société Total Call, où on a connu déjà dans le passé donc une victoire très importante au niveau syndical, malgré que donc le syndicat présent, non reconnu officiellement, était dissous par le licenciement de cette personne qui tenait donc les rênes donc, du syndicat donc à Casablanca. On est passé devant les tribunaux donc au niveau du Casablanca, au niveau des prud'hommes. On a gagné devant les prud'hommes. On a gagné sur toute la ligne, donc avec une condamnation de la société Total Call. Ce soir, je vous annonce que donc on a déjà deux victoires importantes de notre camp. Je vais vous donner les éléments, ce qu'on a fait. Une première victoire il y a quelques mois de ça, donc ça durait à peu près un an et demi. Les deux dossiers sur la France d'ailleurs un an et demi, grosso modo. C'est long, c'est pénible, c'est une bataille qui est dure. Et la bataille n'est pas finie. On continuera dans ce sens. Et c'est des premières victoires dont donc les salariés ont besoin pour voir que donc on peut faire quelque chose d'important. Donc premier élément de victoire, c'était dans un dossier de harcèlement, donc licenciement abusif. La société a été condamnée à 65 000 euros, un peu plus d'ailleurs. Suite au jugement, la société est allée, donc en première étape, c'était déjà donc une équité entre les deux juges qui étaient présents. C'est-à-dire que donc il y a eu un délibéré qui a dû être fait, un départage, comme on appelle en droit prud'homal. Suite à ce départage, donc, c'est-à-dire passation du dossier devant un tribunal professionnel, on a été de nouveau gagnant. C'est très important à savoir que donc c'est faisable. Ça a duré quand même donc une longue période. Condamnation de la société au niveau de la première condamnation, c'est-à-dire la condamnation financière. Et on a gagné sur tous les points. Donc la société a été condamnée à payer 65 000 euros. La société n'a pas voulu payer. Elle est allée en appel. On l'a mandaté par le biais de notre avocat, donc un huissier, qui a saisi les comptes de la société pour le montant. La société a refusé encore une fois de payer obtempéré. Donc il nous restait qu'une solution. C'est d'aller piocher dans les fonds de l'avocat de la partie adverse. L'avocat a été obligé de payer la condamnation. Je peux vous dire que donc le lendemain, naturellement, l'avocat était bien présent au sein de la société pour en faire part. Cette semaine, on a gagné dans un deuxième dossier. Pareil, donc les mêmes motifs, licenciement pour faute grave et ainsi de suite. Débouté carrément en tant que société, on a dû attendre plus de 4 mois pour obtenir donc le jugement du greffe, tandis que donc les deux avocats avaient déjà été notifiés par le juge de la condamnation de la société Centre Appel de nouveau à payer des indemnités aux salariés. Donc on a menacé aussi bien le tribunal, aussi bien que donc les parties adverses, d'aller devant la justice européenne en tant que personne, aussi bien que donc en tant qu'association active, pour un déni de justice. Finalement, la justice nous a donné raison cette semaine avec la condamnation à plus de 15 000 euros dans le deuxième dossier prud'homal. Et on fera de même. Si la société décide encore une fois d'aller en appel, on saisira de toute manière après les 15 jours, et si donc la direction nous écoute, on le fera comme on l'a fait dans le premier dossier. On bloquera les comptes de la société Centre Appel, notre employeur. Et s'il le faut, encore une fois, nous irons bloquer les comptes de l'avocat pour qu'il sache que donc on va au bout de nos démarches. Point. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Donc si vous m'entendez, vous avez en tant que salarié prolétaire, vous avez donc obtenu, grâce à la ténacité des différents membres de notre mouvement, qui travaillent d'une manière, je dirais, clandestine pour des raisons évidentes de sécurité. Et c'était notre expérience aujourd'hui. Donc, nous gagnons au même au niveau légal. Et les victoires ne sont pas finies, je vous le garantis. Nous avons obtenu encore une autre victoire aujourd'hui, qui est encore plus longue, moins d'un an, sur un autre niveau, c'est-à-dire au niveau de la CNIL. Alors la CNIL, qu'est-ce que c'est ? C'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est la fameuse commission qui gère au niveau des sociétés, des administrations, tout ce qui concerne les données informatiques personnelles, donc des sociétés. Il faut savoir que cette société, en tant que centre appel, n'a pas fait de déclaration depuis 2004 au sein de la CNIL, soi-disant, donnons-leur un peu le crédit, donc surtout à notre directrice. Donc, soi-disant, il y avait donc un dossier qui a été introduit en 2004. La CNIL aurait perdu les documents dans ses archives. Donc, la société a fait appel. C'est même remonté au niveau du Conseil d'État pour juger donc l'affaire entre la CNIL et la société Centre Appel, donc la hotline Free Iliad. Bref. Il a fallu simplement une chose pour mettre les deux parties devant le fait accompli, donner donc le coup de semonce, c'est simplement un dépôt de plainte auprès du procureur pour faire avancer les choses. Et ceci dit, ça a donné donc quoi comme résultat ? Point 1, pour la première fois, la société Centre Appel fait sa déclaration CNIL, donc c'est bien la preuve comme quoi donc il n'y avait rien depuis 2004. Ceci dit, la pratique de cette condamnation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc pour la première fois, ils sont obligés de faire une déclaration, de respecter les règles de la CNIL concernant tous les dossiers personnels de nos salariés. C'est-à-dire que donc aussi bien au niveau du RH, les dossiers doivent être vérifiés par la CNIL, doivent être donc archivés d'une certaine manière, correctement, sans donc porter préjudice à la personne. Ce qui est plus important pour les centres d'appel, comme vous savez, quand vous appelez un centre d'appel, il y a donc des coups de fil que vous donnez, ils peuvent être enregistrés. Donc je resignale encore une fois que ceci n'était pas le cas pour une réglementation donc de ces écoutes depuis 2004 jusqu'à 2009. Ça veut dire que donc dans tous les dossiers d'entretien préalable, aussi bien que donc entretien soi-disant informel ou formel, n'importe, donc il n'y avait aucune déclaration. Ils manipulaient donc tous les éléments pour pouvoir mettre sous pression donc les salariés. Voilà donc la réalité. Donc on a dû faire aussi donc un nouveau dépôt de plainte au mois de février auprès du procureur pour que donc le procureur finalement saisisse l'inspection du travail pour obliger en tant qu'inspection du travail à publier cet enregistrement et noter également vis-à-vis de tous les salariés que les écoutes ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement à des fins de pression de licenciement surtout, mais simplement à des fins pédagogiques. Vous voyez l'importance de cette déclaration CNIL. Aujourd'hui, je peux vous en parler ouvertement dans la mesure où, et sachez-le bien, que donc Actif n'est toujours pas représentatif aujourd'hui au sein de la société Centre Appel, mais que donc c'est bien le secrétaire ou ex-secrétaire CE qui nous a prévenu directement en disant voilà, l'inspection, je sais que donc l'inspection du travail a été saisie par le parquet de Paris concernant tous ces éléments. Donc pour la première fois, vous voyez que donc il y a possibilité de pousser le bouchon à bout et de montrer que ces patrons sont effectivement des voyous qui détournent toutes les informations. La preuve en est. Ils utilisent tous ces éléments pour essayer de mettre donc en défaut un salarié, et ils vont vous dire encore une fois que c'est pas vrai, que c'est donc une attitude paternaliste, qu'on est bien, ainsi de suite. Mais la pratique est tout à fait différente. Donc vous voyez l'information que je peux vous donner déjà ce soir pour la première fois, et je vous garantis, camarades, que donc cette information, ça fait plaisir de la divulguer. Sachez que donc aujourd'hui, nous avons à l'écoute aussi bien donc le Maroc, le centre d'appel du Maroc était aussi très actif, sachez-le. Et si la direction les écoute, ils le savent bien parce que donc on est un peu plus aujourd'hui, qui est donc 400 personnes qui ont fait donc une nécessaire concernant une pétition. Je vous rappelle les éléments. Deuxièmement, on a pu faire donc une organisation d'une grève. Donc vous savez que donc au Maroc c'est très difficile de lancer ces éléments-là. Donc une grève d'une demi-journée, donc un fameux samedi. La direction sait bien de quoi je parle. Tout ça suite à des irrégularités importantes au niveau de la société. Rappelons ce qui s'est produit avec le dossier de notre syndicaliste camarade qui a été licencié, qui a eu raison devant les tribunaux. Il faut le rappeler. Donc les gens se sont organisés et victoire pour ce mouvement qui a été lancé. Aujourd'hui, on a pu obtenir donc pour sur le Maroc, malgré que donc la direction va encore dire que donc c'est différent, le licenciement du RH, Madame Lalou, à Casablanca, aussi bien que donc une autre personne qui donc a dû partir sans délai. C'est notre responsable local facturation et recouvrement. La victoire est grande, elle n'est pas finie, elle va continuer. Et je demande ce soir à tous nos camarades présents sur tous les sites, aussi bien que Paris, aussi bien que donc les ex-Alice donc de Marseille, aussi bien que les ex-Alice de Bordeaux, qui sont aussi au courant, qui sont actifs au sein de notre organisation par différents moyens, aussi bien la société Total Call, aussi bien que, et malheureusement, je l'annonce aussi à la direction, on est aussi présent à Mohamedia, donc le nouveau centre d'appel que donc Iliad a racheté, aussi bien que donc le nouveau centre fantôme qui est présent à Alger, nouvelle entité qui a été créée de toutes pièces par Webhelp pour faire également de la délocalisation. Voilà donc la situation ce soir. Je pense que c'est des belles nouvelles. Il faut continuer la bataille. La bataille n'est pas terminée. Elle continuera. Elle continuera dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que donc il y a une clandestinité qui est nécessaire pour pouvoir gagner. Vous devez nous aider. Vous devez m'aider. Je vous aiderai à 100% dans tous les dossiers prud'hommes qui sont présents, aussi bien que donc les dossiers d'entretien préalable au licenciement. Je pense aussi à nos camarades Protelco, puisque donc là aussi on a des dossiers en cours, malgré que donc d'autres syndicats soi-disant très actifs ne sont nommés, votés donc par les élections qui a eu à peu près un an et demi de ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que donc on défend également d'autres dossiers à ce stade et on ne faillira jamais dans notre démarche. Tout est à nous, rien n'est à eux. Ils nous ont volé tout ce qu'ils ont dans leur poche. Point. Merci et bonne soirée. Vous êtes toujours à l'écoute de Open Skype sur Radio Actif. J'invite les personnes, les 18 personnes qui sont sur Subcast à nous rejoindre sur Skype et rechercher le pseudo radio.actif afin d'intervenir comme les auditeurs précédents. Merci d'avance et puis continuez. Cette émission, c'est la vôtre, c'est vous qui la faites. Alors, n'hésitez pas à intervenir. écoutez Radio Active. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte. Je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs radiophoniques est la seule qui ose dénoncer et qui ose critiquer les masses médias normaux. Si vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com. info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. L'autre fois, je suis tombé sur une pub pour un rasoir 5 lames. À quoi ça sert? Et chaque année, ils rajoutent une lame, les mecs. Moi, je veux bien que la première lame, elle marche pas. Que la deuxième lame, elle marche pas. Que la troisième lame, elle soit un peu pourrie. Mais bon, si la quatrième lame, elle marche pas. Wilkinson, change de métier, mec, fais pas tes rasoirs. Hey, ils te vendent ce qu'ils veulent, les mecs. Hein. Par exemple, j'ai jamais compris le principe du café commerce équitable. C'est parce que je me dis, si t'as du café commerce équitable, ça veut dire que l'autre café, c'est quoi? C'est du commerce d'enculé, en fait. En fait, grand-mère. Avec son petit chignon. Ses petites lunettes. Eh ben, c'est une grosse salope. Toi, tu crois que grand-mère, elle fait du café toute la journée? Mais c'est une couverture, ça! Grand-mère, elle a 20 barres à pute! Elle dit de la coke du matin jusqu'au soir, grand-mère! Café, commerce, équitable. Ah, hé, y en a un autre. Eh, celui-là, je vous en ai pas parlé, mais c'est mon préféré. Il est Over the Mountain. Le PQ parfumé. Pourquoi il parfume du PQ? Non, parce que, a priori, ton cul, y'a personne qui le renifle. Ils se foutent de notre gueule, les publicitaires. Vous avez vu les pubs pour les produits qui nettoient les éviers? Tu sais, quand la ménagère, au début de la pub, elle te montre l'état de son évier, avant qu'elle ait mis le produit. Moi, je veux bien qu'il s'y soit mis à 25 pour vomir dedans. Mais là, toute la famille, ça n'a pas pu suffire. Il a fallu qu'ils appellent tous les voisins. Voilà, je vous explique le topo. On tourne une pub dans 15 jours. Alors, si vous vouliez bien tous venir chier dans notre évier, comme ça aura le temps de sécher. Moi, je vais vous dire ma pub préférée. C'était la pub pour les produits laitiers. Vous vous souvenez des sensations pures ou pas? Elle n'était pas fantastique, celle-là. Le couple qui essaie de se draguer, un en bouffant du fromage, l'autre en buvant du lait. D'ailleurs, je t'en mets un peu plein la gueule au passage. Faut juste m'expliquer sur quelle planète on chope des meufs avec du coulommier et du vieux pané. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Par contre, vous m'entendez bien là, c'est bon? Mais on t'entend parfaitement. Voilà. Okay. Alors ici, comme dans la chatroom, est-ce qu'il y a des adeptes du bon vieux bol de cornflakes le matin? Bah oui, de la table. Oui, tout le monde. Carrément. Ouais. Ah ouais, tout le monde. On ne mange que ça. Le matin, le tout le temps. Ah ben, ça tombe bien. Vous allez pouvoir penser à cette chronique devant votre petit déjeuner, parce que je vais vous parler d'un phénomène physique qui a lieu dans les boîtes de céréales, l'effet muesli. Ah, mais l'effet musli de Jordan ou l'effet musli Bon, d'accord, j'arrête. Elle était vraiment au fin fond du gouffre, hein, cette blague. Oui. Continue, je t'en prie. Allez, ça va. Allez. Ça fera l'affaire. Quand ouais, je ouais. fais de la purée mousseline. Alors, elle prend la tête des chansons de rap. Laissez-le, s'il vous plaît, Antoine. Alors, William, est-ce que tu peux verser un bol de mousseline? Écoute, ça tombe bien, devant moi j'ai un bol. Voilà. Alors, c'est un. C'est oui, un, mais comment tu fais? Mais je sais pas, c'est magique, je suis David Copperfield. Hi. Alors, on va ouvrir ça en direct. Avec le bruit. Ah, dans 5 minutes, ce sera prêt. Hein. Ah, bah c'est déjà ouvert. Ouais. Ah, bah c'est. Je me suis fait arnaquer. J'ai acheté un paquet neuf, mais déjà ouvert. Donc c'est merci bien. Pour la crédibilité. Donc voilà, donc je verse ça dans le bol. Hein. J'ai rien à faire. Ok. Mets-le dans le micro parce que bon, on le voit pas vraiment. Ok, donc c'est bon, voilà, j'ai versé. Ok. Ouais. Alors, vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on se sert dans un paquet de céréales tout neuf, on se régale. Mmh. On a de bons gros flocons d'avoine, les fruits, etc. Vous pouvez confirmer ? Ah oui. Moi, je confirme en tout cas devant moi, là, c'est. Ok. Okay. Les jours passent et on arrive à la fin du paquet, et là, qu'est-ce qui reste ? En fait, toute la merde. La merde du paquet. En fait, les miettes et mélanger au lait, c'est pas terrible. Hein. Mm. Alors, c'est bizarre pour ça quand même. Oui. C'est assez bizarre quand même parce que les particules les plus grosses et les plus lourdes, elles devraient tomber au fond, non? Et oui. Ouais. Et pourquoi elles sont au-dessus alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène contre-intuitif est ce qu'on appelle l'effet muesli. Ah. Alors, mais à votre avis, comment ça marche? Ah, c'est pas un déplacement d'air, un truc comme ça? Pas loin, mais il y a l'idée de déplacement. Il n'y a pas une histoire de pression, quelque chose. Il n'y a pas une histoire de George Clooney ou de Coca. Non, en fait, les céréales, ça forme un matériau qu'on dit granulaire, composé de grains. Ces matériaux, ils sont soumis à ce qu'on appelle la ségrégation granulaire. Oula. Alors, en quoi ça consiste? Alors, on reprend notre boîte de muesli. Alors, pendant son transport de l'usine jusqu'au supermarché, elle a subi beaucoup de vibrations. Mmh. Et en vibrant, tous les flocons de la boîte bougent, mais seuls les plus petits éléments peuvent s'immiscer dans les espaces créés entre les plus gros. Mmh. Vous voyez ? On a donc les plus petits grains qui tombent au fur et à mesure au fond, alors que les plus gros restent à la surface. C'est ce qu'on appelle l'effet muesli. Non. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est vraiment l'effet, les scientifiques appellent ça l'effet muesli. C'est l'effet muesli ou l'effet noix du Brésil, parce que ça a été découvert d'abord sur les noix du Brésil. Mais il y a une thèse là-dessus ou je sais pas ? Bah, vous allez voir, il y a de la science là-dessus. Mais concrètement, en quoi ça nous concerne, hein, déjà? En fait, cette ségrégation granulaire nous apprend qu'il ne sert donc strictement à rien de secouer le paquet pour essayer de mélanger les différents éléments du muesli. Ah, bah, le matin et tout pour secouer, mais en fait, ça ne sert à rien. En fait, au contraire. C'est un bon conseil, hein, c'est un bon conseil de vivre. Bah, en fait, au contraire, vous ne feriez qu'accentuer le phénomène, en fait. J'ai l'impression d'être dans une émission d'M6, tu sais. J'ai un bon conseil, hein. Surtout ne secouez pas votre truc avant de manger. Mais c'est bien. Du tout, vous demande si on l'ouvre à l'envers, qu'est-ce que ça fait? Ah, si on l'ouvre à l'envers. Si tu l'ouvres à l'envers, t'auras les miettes, hein. Ça, c'est sûr. Ok. Bah voilà, c'est résolu. Donc merci, tu évacues les miettes, après c'est réglé, quoi, c'est ça? Mais non, justement, tu évacues les miettes. Mais après, quand tu vas ranger la boîte, quand tu vas faire bouger, en fait, ça va remonter, ça va être le même problème. Alors tu le rouvres à l'envers? Oui, là tu peux alterner. Ça, tu peux faire des deux côtés, c'est très intelligent. Mais en fait, c'est un vrai problème pour les fabricants de céréales, mais c'est aussi un gros problème pour les entreprises pharmaceutiques, en fait. L'effet muesli, ça fausse les dosages des différents éléments en poudre qui rentrent dans la composition des médicaments. Vous voyez ? Ça, ça intéressera. Ouais. Et là, ça peut être un peu plus grave qu'une boîte de céréales avec des miettes au fond, quand même. Se tromper de médicaments, c'est plus chaud. Ah oui, là, oui. Ouais. Mais en fait, on peut maudire le muesli effect, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Mais dans certaines situations, connaître ce phénomène peut vous sauver la vie. Alors, essayez de deviner. Plonger les sables mouvants. Ouais, les sables mouvants, j'allais dire. Pas mal. Les sables mouvants, oui. Mais il y a un autre cas qui est peut-être plus simple. Dans ton bol. je ne sais pas. En fait, c'est en cas d'avalanche. Ah. En fait, en cas d'avalanche, par exemple, le manteau neigeux qui se détache agit comme un matériau granulaire. Bon, avant, on disait il faut nager, faut forcer les bras pour remonter à la surface. Ouais. Mais des recherches très sérieuses sur ce muesli effect ont démontré qu'il était plus important de garder ses mains près du visage pour créer une bulle d'air plutôt que de nager pour essayer de rester en surface, en fait. L'effet muesli va s'occuper de tout pour éviter ou du moins réduire l'ensevelissement. Vous voyez ? D'accord. Donc en fait, ça peut quand même vous sauver la vie. Hein, si un jour vous ça c'est un très bon conseil. Hein. Ouais. Donc, pensez à votre bol de céréales. Donc voilà, donc s'il y a une avalanche, on ne bouge pas. Voilà. Et tu meurs à petit feu. Une petite bulle d'air. Non, mais voilà. C'est des études très sérieuses. Non, mais... Si il y a une avalanche, vous mettez vos mains contre votre visage pour pas être enseveli par de la neige et pour avoir une bulle d'air. Et après, voilà, vous vous laissez flotter. Et en fait, normalement, 80% de ceux qui font ça, logiquement, ne sont pas ensevelis. Ils flottent, comme par effet muesli, sur la neige. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc comme quoi, c'est très sérieux comme truc. Ah ouais. Même si on a découvert ça, sur les boîtes de céréales, ça sert ailleurs. Ouais. Et vous vous rendez compte quand même, parce que dans cette chronique, j'ai quand même réussi à relier un paquet de céréales aux avalanches et en passant par les laboratoires pharmaceutiques. Oui, j'avoue que c'est les sables mouvants. Ça c'est. Et les sables mouvants. Donc. Et les sables mouvants. Alors en fait, c'est pour ça que j'adore la science, parce qu'en fait, ça relie vraiment, vraiment tout. Moi aussi je kiffe bien l'affaire, c'est assez cool. Surtout cette fois. Merci Jamy. Générique de C'est pas sorcier, c'est parti. Et là je me régale, je dois te dire que je suis en train de bouffer tout le bol de muesli que j'ai devant moi. Mais il a déjà oublié l'histoire de l'avalanche, mais au moins il mange. C'est le premier paquet quoi. C'est le premier. Oui, là j'ai tous les fruits et tout dessus, tous des cacahuètes. Ouais. Et nous les invités, on aura les miettes à la fin. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup de tous ces conseils. Oui. Ben de rien, mais j'espère que ça vous a plu. Ah bah oui, j'ai plein de flocons d'avoine dans la bouche, je ne peux plus parler. Vous êtes en direct, vous êtes seul. D'accord. Chers auditeurs, je voulais faire également un petit commentaire, un petit compte-rendu de ce qui s'est passé avec la manif à Paris, donc contre la réforme des retraites. Vu sur l'angle de quelqu'un qui est allé dans différents cortèges, aussi bien que dans différents points de ralliement, aussi bien pour voir ce qui se passait chez les plus actifs, naturellement, donc comme Solidaire, les partis politiques comme Lutte Ouvrière, NPA, dont je fais aussi partie, à différents titres, donc au niveau du NPA, mais surtout de nos camarades du CNT, qui j'ai connu il y a à peu près un an de ça, pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Et il y a des choses énormes qui me plaisent chez eux. C'est donc réellement un syndicalisme combatif qui rejoint nos idées, ce qu'on fait d'ailleurs sur le terrain. Je vais vous lire aujourd'hui un petit peu donc ce qui s'est produit avec les yeux de la CNT, directement pour cette manifestation. Premier élément, je dirais, et ça c'est toujours donc un commentaire que je ferai moi-même donc pour cette deuxième manifestation importante au niveau national. On était nombreux, combien, je ne sais pas. Est-ce qu'on en était aussi nombreux que la dernière fois? Certes. Est-ce qu'on était moins nombreux? Oui, selon les dires du gouvernement, ce qui était logique, hein, parce que donc même à midi, quand on était sur place, ils savaient déjà que donc soi-disant on était moins nombreux. C'est la guerre déclarée au niveau des statistiques. Une chose est certaine, camarades, j'ai vu pour la première fois jamais autant de RG, pour ceux qui connaissent pas les renseignements généraux, présents avec différentes personnes naturellement camouflées en tant que manifestataires. Dans les différents cortèges. Pour la CNT, ils étaient à peu près 5 personnes, donc simplement pour encadrer la CNT. Je dis pas naturellement au niveau du NPA, où ils étaient aussi très présents, aussi bien que donc chez Hello, aussi bien que donc un petit peu chez Solidaire. Donc on les connaît bien, donc rassurez-vous, quand on a l'habitude de voir les manifestations, on sent tout de suite l'odeur, ça c'est clair. C'est quelque chose que donc le gouvernement a oublié de dire. On était nombreux ou pas, mais donc on était beaucoup plus nombreux cette fois-ci au niveau des RG. Bien, je vais vous lire un petit peu donc ce qui s'est passé cette journée-là, donc avec un commentaire, un compte-rendu plutôt donc fait par nos camarades de la CNT, avec lesquels j'ai également manifesté. Donc à 9h30, donc il y avait un pré-rendez-vous au 33 donc une douzaine de camarades étaient présents comme d'habitude. À 10h30, on s'est installé à 300 mètres de Bastille, on est déjà une trentaine. À midi, alors là c'est sublime mes chers camarades, Bernard Thibault, le chef incontesté de la CGT, arrive dans une grosse voiture. Son chauffeur le dépose près du point fixe du Parti communiste français. J'ai le sentiment de voir un ministre. C'est donc le commentaire de notre cher camarade Gilles, hein, qui nous écoute. Petit bonjour Gilles, on est avec toi. 13h30, la manifestation devait commencer à 13h. 13h30, le cortège unitaire s'élance. Le carré de tête passe devant nous, CNT. On est environ 200 à ce moment-là. On clame nos slogans habituels, grève générale et ainsi de suite. Les responsables syndicaux tournent la tête et font mine de ne pas entendre. Juste après arrivent les troupes de la CFDT. Beaucoup de monde, mais une mollesse ahurissante. Si tu veux mettre fin à la réforme, tape dans tes mains. Et voilà, ça c'était donc les slogans de nos chers camarades CFDT. Mais et au moins, ils faisaient un tout petit bruit dans le cortège. 14h30, c'est le tour de Solidaire de s'élancer. Cortège massif et dynamique, toujours avec le ballon qui circule dans les airs, grosse fanfare. N'oublions pas de saluer quand même nos camarades Sudrail qui sont dans le cortège les plus actifs au sein de Solidaire, qui ont manifesté vraiment dignement avec tous les éléments habituels qu'ils utilisent dans ce type de manifestation. 15h30, on décide d'intégrer la manif. Il faut savoir que donc on était sur un point fixe avec la CNT, avec tous nos camarades de CNT. On fait peur. Les RG, les fameuses 5 personnes, s'immiscent entre nous pour nous accompagner dans le cortège. On passe devant l'UNSA et son service d'ordre. N'oubliez pas que donc chaque syndicat, parti politique qui se respecte, a naturellement son service d'ordre. Une sa police est donc très sportif. On part en cortège, on fait du bruit, on passe devant tout le monde. C'est assez énergique, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on nous envoie les RG pour nous surveiller en tant que CNT. Comme souvent dans les grosses manifs, on est en région parisienne, on doit être autour de 1500-2000 personnes. 17h, après quelques kilomètres, on arrive au point de dispersion de la manif unitaire. D'enfer au chaud. Mais l'avant-veille, en accord avec les décisions de la CA de l'URP, on a déposé un parcours plus long et hautement symbolique. On veut aller jusqu'au MEDEF, messieurs et dames. Les flics laissent passer la CNT. Étonnant, le petit groupuscule minoritaire qui n'a aucune représentativité, on le laisse passer tout simplement. Mais il nous bloque tous ceux qui veulent nous suivre. Étonnant, on veut nous isoler. Autre moment sportif, puisqu'on les oblige à retirer leur dispositif. Finalement, on se retrouve, tenez-vous bien, à 8000, 10000 jusqu'à Montparnasse. Nous sommes rejoints par des militants du Sud, la CGT, du NPA, des jeunes communistes, des Panthères roses, etc. Mais ça reste avant tout une manif CNT, et c'est vrai, avec tous ces slogans qui recoupent les idées anticapitalistes. Sous ces mots d'ordre, banderoles et drapeaux, on perd une partie des gens en route vers Montparnasse, car le parcours devient vraiment long, quelques 8 km en tout. À 18h30, arrivé devant le siège du MEDEF, dans le quartier des ministères, on est encore environ 4000. On gueule nos slogans, prenons sur les profits pour payer les retraites. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Les flics commencent à disperser les quelques énervés qui jettent des canettes. Bref, un peu de gaz lacrymo, mais rien de bien méchant. On nous appelle gentiment la dispersion. Et chacun rentre chez soi bien content. On est maintes fois, et tenez-vous bien, on est maintes fois salué et complimenté pour avoir lancé une telle initiative. C'est vrai, les grèves, il faut savoir que donc les grèves, les 3-4 dernières grèves, se sont arrêtées à des points chutes qui sont manifestement clés comme d'enfer, comme Bastille, comme Nation, et ainsi de suite. Et là, pour la première fois, donc avec la CNT qui a eu l'idée de lancer cette manifestation vers le MEDEF, avec les plus actifs, bien, on s'est retrouvés, rejoints par les autres syndicats. De retour au 33 rue des Vignoles, le siège de la CNT, on lit les communiqués crapuleux de l'AFP, l'agence France Presse, échauffourée avec les manifestants violents de la CNT. Naturellement, fustigés, martyrisés, pointés du doigt, donc on est toujours les plus agressifs. Encore plus que Sud, sachez-le bien. Un sacré exercice de langue de bois. Une leçon. On l'avait déjà constaté le 1er mai dernier, en poursuivant la manif jusqu'au siège de People and Baby, un autre point de lutte important de la CNT, du NPA, et aussi donc de quelques camarades qui sont très actifs dans différentes organisations. Donc People and Baby s'occupe de tout ce qui est gardiennage, garderie d'enfants, donc à Paris. Mais c'est en prenant des initiatives et en prolongeant les manifs sur des cibles symboliques qu'on rassemble le plus de monde et qu'on a le sentiment d'être à notre place. Donc c'est ça la leçon pour la CNT. On l'avait déjà constaté le 1er mai dernier en poursuivant la manif jusqu'au siège de People and Baby. C'est effectivement ça. Le MEDEF, c'est un symbole. Donc on était entre 8000 et 10 personnes devant le MEDEF pour lancer nos slogans anticapitalistes. Les partis politiques qui sont actifs comme le NPA l'ont fait également avec nous, tous ensemble. Donc il n'y a pas de mérite, mais donc les plus actifs, les plus virulents, les plus radicaux dans leurs idées et conséquents dans leurs idées nous ont rejoints. On a tous été présents devant le MEDEF. En constat, naturellement, pour le lendemain, donc du 23, on continue puisque la CNT a déposé un rassemblement devant le Sénat de 13h30 à 15h30 au nom de l'intersyndicale avec Sud et Duc et Sud Postaux. Mes chers camarades, donc vous voyez bien que donc le mouvement aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur. Il y a donc une grogne et il y a des éléments de victoire là où on n'en avait jamais eu. Donc il faut être attentif. Vous pouvez prendre les choses en main et gagner vos batailles, vos luttes, sans nécessairement faire donc une grève, comme je l'ai toujours dit. La grève, c'est donc l'ultime moyen et il faut y arriver. C'est une grève nationale, une grève entière à 100%. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est le message également donc du NPA, aussi bien que donc la CNT. Et ils ont très bien compris ce que font donc les grandes organisations comme la CGT, la CFDT, c'est d'essayer de vous épuiser dans des grèves multiples d'un jour qui fatiguent tout le monde. Et là, il faut arrêter le délire. Il faut arriver à une grève nationale, une grève totale. Et je crois que c'est le seul outil qui nous reste en main aujourd'hui. À bientôt, camarades. Continuez votre lutte. Vous êtes toujours à l'écoute d'OpenScape sur Radioactif. Il est 18h42. Dans quelques instants, donc la fin de notre émission, donc à 19h, on se retrouvera la semaine prochaine, de toute façon, toujours à 17h, soit 11h au Canada. Radioactif remercie au passage eddnp.net et tacticalfm.com pour le relais qu'ils font, ainsi que toutes les radios partenaires de eddnp et de Tactical, et aussi toutes les personnes qui nous écoutent sur Subcast. Radio Active. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Active, c'est le mouvement collectif qui pique dans le pays. Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, Active. Avec un K.fr. Qui pique dans le pays. Erika, ma première femme, je l'ai rencontrée pendant la fête de la bière à Munich. je m'en revois, là, avec mon verre à la main, alors on était tous alliés, là. Alors tu te balances à droite. Et à glou glou glou, et à droite, et à gauche, glou glou glou, bon bah j'ai vomi. Puis c'est pas facile en fait de parler avec les gens quand t'arrêtes pas d'aller pisser. Non, c'est plus pratique de se parler dans les chiottes. C'est plus la fête de la bière, de la pisse, oui. On était tous là alignés pour la rangée de toilette là. Ah, avec ce que j'ai pissé, moi, j'aurais pu irriguer la Somalie pendant 6 mois. Enfin bref, à un moment j'entends un bruit bizarre derrière moi. Je me retourne, elle était là. Toute foutue était pile de foudre. Ouais, elle avait des longs cheveux blonds. Un blond un peu comme la Canterbo Passion. Et des yeux d'un bleu très profond. Alors le bleu, je sais pas si... Le bleu schtroumpf. Je sais pas si vous voyez ce bleu là. Superbe, superbe. J'avais le cœur tout retourné moi. Ouais, elle aussi, hein, apparemment. Je me suis approché d'elle. Je l'ai aidé à se relever. Je lui ai doucement caressé le visage. J'en ai profité pour lui enlever les morceaux de tomates qu'elle avait au coin de la. Et là, on s'est embrassé. Et tout de suite, j'ai compris qu'elle avait mangé de la pizza. Et c'est aussi là que j'ai constaté que j'étais en train d'arroser ses chaussures depuis tout à l'heure. Erika, ma première rencontre. Ouais, au début, c'était bavaroise, hein, pas évident de se comprendre avec elle. Puis moi, l'allemand, à part Ya, Nein, Gestapo, commandant tour. Erika, inversement, pareil. Oui, non, collabo, maréchal. Après, on s'est mariés en Allemagne avec Erika. En Allemagne, à la sortie de l'église, vous auriez vu l'ambiance. Quelle ambiance! Tous ces gens-là qui nous jetaient de la choucroute. Super, super. Enfin bref, après le voyage de noces avec Erika, on est parti au Canada voir les chutes du Niagara. Ça nous rappelait notre rencontre, hein, c'est pour ça qu'on a été là-bas. Regardez voir cette chasse d'eau géante là, la vache. N'empêche que dans l'avion, on s'est fait un petit câlin dans les toilettes. Enfin bon, vu qu'avec Erika on rentre pas à deux, on a fait ça chacun notre tour. Hein. En fait, comme je dis toujours, les femmes c'est comme le biathlon, impossible à comprendre. Bah, le biathlon, que les mecs fassent du ski de fond, d'accord, bon, qu'ils fassent du tir à la carabine s'ils veulent, mais pourquoi les deux ensemble? Aux 24 heures du Mans, les mecs ils s'arrêtent pas de temps en temps pour lancer un javelot? N'oubliez pas dans le libre antenne de la semaine prochaine que le thème sera Roswell avec Ludo qui sera présent et qui a pas mal de révélations à vous faire ainsi que des témoignages et tout. D'après ce que j'ai compris, il a travaillé sur cette base là et donc il y a pas mal de choses qui se sont passées. Voilà. Donc on en saura plus dimanche prochain. Soyez donc à l'écoute à partir de 14h, soit 8h au Québec. très bientôt sur Radioactif aussi. Vous aurez le samedi soir la nuit dancing où il y aura de la musique toute la nuit et tout. Vous pouvez déjà précommander vos soirées si vous avez besoin d'un DJ virtuel. On vous contactera pour vous donner déjà un devis, mais ça devrait être à peu près deux fois moins cher qu'un DJ. Et on préparera ensemble votre soirée, etc., etc. On fera des packages. Voilà, donc vous aurez juste besoin soit d'un ordinateur, c'est sûr, pour pouvoir reprendre le flux, et puis d'une chaîne IFI ou d'une très bonne sono. Et nous, on s'occupera de faire le DJ à distance. Donc c'est une innovation, c'est unique au monde. Il y aura un site web qui va être fait à ce sujet-là. Et donc profitez-en pour vos mariages, anniversaires, fêtes, etc. Vous pouvez déjà nous contacter sur le site en nous envoyant un mail ou sur Skype en cherchant radio.actif. Et puis donc essayez de voir déjà pour organiser vos soirées. Plus besoin d'avoir un DJ à domicile, vous pouvez l'avoir à distance. C'est tout nouveau, c'est innovant et personne ne l'a fait encore. Et bien voilà, OpenScape, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine à 17h pour une nouvelle émission d'OpenScape. C'était l'émission donc du 26 septembre, oula. Et puis voilà, donc à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.